إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Aujourd'hui, c'est le cours numéro 32 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on a commencé hier le chapitre 7, al-Bab al-Sabi', et le titre c'est Babun min al-Shirk, Libs al-Halqa wal-Khayt, wa nahwihima li raf'i al-Bala ou daf'ihi. C'est-à-dire que parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait de porter des objets, que ce soit un bracelet ou une chaîne ou une corde, dans le but d'essayer d'éloigner quelque chose de mal ou bien de s'en protéger. D'accord? Comme on a donné l'exemple des gens qui portent la main avec l'œil au milieu ou qui portent d'autres objets sur eux-mêmes et ils pensent que ces choses-là ou ces objets-là éloignent le mal d'eux ou bien les guérissent d'une maladie ou d'un problème qu'ils ont. Et on a expliqué tout ce qui se rapporte à cette question-là en ce qui concerne quand est-ce que cette chose-là est shirk akbar et quand est-ce que cette chose est shirk asrar, hein, et quand est-ce qu'on peut considérer quelque chose comme étant un sabab, hein, une cause, un moyen légal. On a expliqué tout ça en détail dans le cours passé, donc aujourd'hui on va rentrer dans l'explication des preuves que Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a mentionné dans le livre, dans ce chapitre-là, au sujet de cette question. Et le premier verset qu'il mentionne, c'est une ayah dans le Coran qui dit قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرٍ الْآيَةِ. Donc le Cheikh il a mentionné uniquement la première partie du verset qui dit voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah, si Allah me veut quelque chose de mal, est-ce qu'elles sont capables de l'enlever, hein, est-ce qu'elles sont capables de enlever de moi ce mal. Et la suite du verset c'est أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ça dit, la suite ça dit, ou si Allah me veut une miséricorde, est-ce qu'elles sont capables, hein, ce que vous adorez en dehors d'Allah, est-ce qu'elles sont capables d'enlever cette miséricorde ou de retenir cette miséricorde-là. Hein, dit, Allah me suffit, c'est sur lui que mettent leur confiance, ceux qui mettent leur confiance en quelque chose. Donc c'est sur lui qu'on doit mettre notre confiance réellement, si on veut mettre notre confiance en quelque chose. هذه الآية, comme le Cheikh Fawzan il dit, هذه الآية من سورة الزمر, السورة العظيمة التي قرر الله فيها التوحيد وأبطل فيها أنواع الشرك. فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها, فأبطلتها هذه السورة ونقضتها, ومن ذلك هذه الآية الكريمة. قل يا محمد, الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, أي قل لهؤلاء المشركين, أفرأيتم ما تدعون من دونه من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين وكل ما يعبد من دون الله. فالسؤال موجه إلى كل مشرك على وجه الأرض, إلى أن تقوم الساعة هل يستطيع الإجابة عنه؟ الجواب لا. Donc le Cheikh il dit que ce verset-là, le Cheikh il dit cette ayah est dans Sourate Az-Zumar. Et Sourate Az-Zumar, c'est une grande sourate. Hein, elle a une grande force et une grande valeur. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé et répété hein, la question du tawhid. Elle revient constamment du début à la fin. Elle vient affirmer et confirmer le tawhid et détruire toute forme de shirk. Donc si tu regardes comme le Cheikh il dit, du début de cette surah, surah Az-Zumar, jusqu'à la fin, tu vois qu'elle traite des questions de Aqidah et elle remédie aux problèmes qui touchent à la question de Aqidah. Hein, et elle traite de toutes sortes de différentes formes de shirk qui peuvent être pratiquées par les mushrikins. Hein, donc elle détruit hein, la base de ces forme de shirk là, et elle montre leur futilité et leur fausseté. Donc, parmi les preuves, ou parmi les versets qui traitent de ça, c'est cette ayah en particulier. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « qul », c'est-à-dire « dit », Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui commande de dire quelque chose aux mushrikins. Hein, et c'est quoi cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux mushrikins, c'est de dire, regardez ce que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme pour dire, regardez, hein, et dites, en fait c'est pour appeler les mushrikins à réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, sur la réalité de ce qu'ils font. Hein. Regardez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, regardez ce que vous faites quand vous invoquez d'autres choses en dehors d'Allah, que ce soit des idoles ou des pierres ou des arbres ou des tombes ou des trucs que vous avez construits sur les tombes des hommes pieux que vous allez visiter et que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah, donc ça rentre dans qu'est-ce que les hommes invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et observez qu'est-ce que vous faites avec ces choses-là. Et cette question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de poser, Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser aux mushrikins, elle s'adresse à tous les mushrikins sur la terre, à chaque individu parmi eux sur la terre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement dernier, pour voir est-ce qu'il est capable de répondre à cette question qui va être posée. Et bien entendu, on sait qu'il ne sera pas capable de répondre à cette question. قل أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله ما عام لكل ما يدعى من دون الله ولا يستثنى منها شيء سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك إن أرادني الله بضر يعني بضرر أو بفقر أو بموت أو أرادني بضياع مال أو إصابة في قريب أو غير ذلك مما يضرني في بدني أو في مالي أو في أهلي هل هن كاشفات ضره؟ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف أو أن تكشف الضر عن من دعاها؟ وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله هل هن كاشفات ضره سؤال استنكار ونفي أي لا تكشف الضر عن من دعاها ولذلك المشركون يمرضون ويقتلون ويصابون وتذهب أموالهم ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئا نزل من الله سبحانه وتعالى وكل شيء في regardez ce que vous invoquez en dehors d'Allah, hein. Informez-moi, dites-moi, est-ce que ces choses-là que vous invoquez en dehors d'Allah, et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, qu'est-ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ça implique tout ce qui est invoqué ou adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Que ce soit un être humain ou des choses inertes, hein, et qui sont, comme des pierres ou autres. C'est pas juste les statues, mais ça rentre également même les êtres humains qui peuvent être adorés par certains êtres humains, ou des anges, ou des djinns, ou autres. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala veut un mal pour moi, veut quelque chose de mal pour moi, que ce soit qu'il est prédestiné pour moi la pauvreté ou la mort, ou par exemple qu'il a prédestiné que je dois perdre une somme d'argent, ou que je dois par exemple perdre un de mes proches. Tout ça sont des choses qui sont prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala chez certaines personnes ou pour certaines personnes à certains moments donnés. Si Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cette chose-là pour moi, ou pour vous, ou pour quiconque, est-ce que ce que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont capables de disons, retirer ce mal que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour moi, que ce soit que ce mal m'atteigne en moi-même, dans mon corps, ou mes biens que je possède, ou bien dans ma famille, hein. Que ce soit un mal qui m'atteigne de n'importe quelle de ces différentes formes, ou de ces différentes dans ces différentes choses-là, est-ce que ces idoles-là que vous invoquez, ou ces choses, ou ces êtres que vous invoquez en dehors d'Allah, est-ce qu'elles sont capables d'enlever ce mal, hein, pour celui qui les invoque, et donc, c'est semblable au verset qui est mentionné dans l'autre sourate qu'on a mentionné dans les chapitres précédents, qui disait invoquez ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne possèdent pas la capacité d'enlever un mal, hein, de vous, ni de le déplacer. On a lu ça dans le dernier chapitre, il y avait ce verset là. Et donc ça c'est exactement la même signification que qu'est-ce qu'on a lu plus tôt. Est-ce qu'elles sont capables d'enlever ce mal? Et le cheikh il dit que ça c'est su'alun istinkari, su'alun nafyin, c'est-à-dire c'est une question pour en fait nier et réprimander la personne qui prétendrait une chose pareille, ok? Que non, elles ne sont pas capables d'enlever le mal pour celui qui les invoque. Hein, et c'est pour ça que les mouchriquins, la preuve de ça, c'est qu'on voit que les mouchriquins, ceux qui invoquent d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils tombent malades, ils se font tuer, ils sont parfois testés ou ils ont des malheurs dans leur vie, de toutes sortes de formes, que ce soit qu'ils perdent de l'argent, ou ils tombent malades, ou bien ils perdent leurs proches, ou quelqu'un qui meurt autour d'eux, ou bien ils se font, blessés ou d'autres choses de ce genre dans leur vie, tout ça par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leurs idoles ne sont pas capables d'empêcher ces événements-là de se produire. Donc, ça prouve que leurs idoles n'ont pas le pouvoir d'éloigner quoi que ce soit de ce qui les atteint. Ou aradani bi rahmatin min siha wa ghina wa ghayri dhalika min anwa' ar-rahma hal ahad min al-khalq يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله فظهر بذلك عجز آلهة المشركين. Ici Allah subhanahu wa ta'ala a voulu me prescrire ou me prédestiner une miséricorde, que ce soit par exemple une bonne santé ou une richesse ou autre chose, parmi les formes de miséricorde, wa alaykum salam wa rahmatullah, est-ce qu'elles seront capables de retenir cette miséricorde-là, de m'atteindre, si Allah subhanahu wa ta'ala me l'a prescrit? Le cheikh, il explique donc, il dit, ça montre en réalité que leurs idoles, ou ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'ont pas cette capacité-là, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam a qala lahum hadha wa tala alayhim al-Qur'an wa sa'alahum hadha al-su'al wa a'lanahu ala ru'us al-ashhad ولن يجيبوه إلى أن تقوم الساعة. هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها فدل على بطلان الشرك. Donc ça c'était une question que le prophète sallam, quand Allah lui a révélé ce verset, et bien le cheikh il dit que ça fait partie des questions que Allah subhanahu wa ta'ala a posées aux mouchriquins, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti devant les mouchriquins et il a dit ça ouvertement devant tous les mouchriquins. Il leur a posé ouvertement cette question en disant, qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah m'a voulu un mal ou vous a voulu un mal, est-ce que ces idoles sont capables de de le retirer, de l'empêcher. Et si Allah vous a voulu un bien, est-ce qu'ils sont capables de retenir ce bien? Et donc, ils n'ont pas été capables de répondre. Et jusqu'au jugement dernier, ils ne seront jamais capables de répondre à ça non plus. Et le cheikh il dit, ça fait partie des questions que Allah a adressées dans le Coran aux mushrikines et qui n'ont pas répondu à cette question. Donc ça prouve la fausseté du shirk. قل حسبي الله أي هو كافيني لأن الحسب معناه الكافي فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله عز وجل وتعليق القلوب بالله دون ما سواه ولما أبطل الشرك في أول الآية قرر التوحيد بقوله قل حسبي الله وهو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني من دون الله أو أن ينفعني من دون الله ولهذا يقول هود صلى الله عليه وسلم لقومه قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون ثم قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم نعم دونك لشيخ الزي قل حسبي الله أي كافيني إذا كنت تدي حسبي الله الله مسفي الله مسفي فسك الحسب فبدي الكافي الحسب فبدي كنت تدي quelque chose c'est suffisant. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un récitait le Coran, quand il voulait lui dire d'arrêter, il disait « Hasbouk », ça suffit. Hein? Donc ça c'est pour dire que tu remets toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu accroches ton cœur à Allah seul et à rien d'autre en dehors de lui. Donc ça c'est « At-tawakkul ». En réalité c'est de mettre notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et donc, c'est pour dire que dans le début de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit le shirk, il a annulé les arguments des mushrikins, et pour conclure le verset, il rajoute, hasbi Allah, qul hasbi Allah dit, hein, Allah me suffit. Allah me suffit, j'ai pas besoin des idoles, Allah me suffit. Hein? Allah est suffisant pour le mu'min. Hein? Parce que c'est lui qui contrôle toute chose, c'est lui qui est le maître de tout. Donc, hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Hein? Donc, comme on dit. Donc, le cheikh il dit que quand tu dis Hasbi Allah, c'est comme si tu confirmes le tawhid et que tu dis que Allah te suffit. Et si Allah te suffit, donc il n'y a rien en dehors de lui qui peut te nuire ou te profiter. Il n'y a rien en dehors d'Allah qui peut te nuire ou te profiter. Donc, tu réalises tout de suite quel effet ça produit dans le cœur du mu'min de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui s'occupe de ses affaires. Et que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut lui faire arriver un bien ou l'éloigner de lui un mal. Ça le met en paix avec lui-même et ça le met en sécurité également parce qu'il sait que peu importe, il n'y a rien qui peut l'atteindre excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est comme le chef il mentionne, il dit, c'est comme Hud a dit à son peuple, le prophète Hud, alayhi salam, il a dit, je témoigne, je prends Allah comme témoin et vous témoignez que je me désavoue de ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de lui. Alors, réunissez-vous tous ensemble pour essayer de comploter ou de faire des plans contre moi et n'attendez pas. Et ça c'est dans le verset 54-55 dans Sourate Hud. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala il continue, il dit, comme s'il cite Hud en disant, je mets ma confiance en mon Seigneur, en Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur et votre Seigneur, Rabbi wa Rabbukum, et il n'y a pas une bête qui vit sur la terre, il n'y a rien qui marche sur la terre, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va l'accrocher par ou va l'attraper par son toupet, et mon Seigneur est certes sur le droit chemin. Ça c'est le verset 56 dans Sourate Hud. عليه توكلت أو عليه يتوكل المتوكلون لا يتوكلون على الحلقة والخيط والصنم والقبر والولي وغير ذلك بل الذي يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى لأنه بيده مقادير الأشياء donc ceux qui mettent leur confiance ils mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala non pas en une chaîne ou un bracelet, un porte-bonheur ou wa alaykum salam wa rahmatullah ou en une idole ou une tombe ou un wali ou autre parmi ces choses-là parmi ce que les gens prennent en dehors d'Allah comme associés mais ils mettent uniquement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala car c'est entre ses mains que sont toutes c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala que la destinée de toute chose appartient. Ou bien, non, dans ce sens-là, yani c'est Allah qui tient la destinée de toute chose en sa main. فالحديث, وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف comme dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme Ibn Abbas dans le hadith c'est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhu c'est le hadith qui dit ya ghulam inni u'allimuka kalimat fahfazha il a dit oh mon jeune garçon je vais t'apprendre des paroles mémorise-les et parmi les choses qu'il lui a enseigné c'est sache que si tout le monde se réunit contre toi ou se réunit pour te faire un bien quelconque ils ne pourront rien te faire plus que ce que Allah t'a écrit que ce que Allah t'a prédestiné hein et sache que si les gens se réunissent pour te faire un mal quelconque ils ne pourront pas te faire plus de mal que ce que Allah t'a écrit ou t'a prédestiné, et la plume est soulevée et l'encre a séché, ou les pages ont séché. Donc ça veut dire que yani, tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que de toute façon, peu importe ce que les gens peuvent essayer de te faire, de bien ou de mal, rien ne peut t'atteindre de bien ou de mal, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça te garde toujours en paix et en sécurité parce que tu sais que Allah te suffit. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق أن يعبد وأن يوكل أو يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى وما عداه فإنه خلق من خلق من خلق الله فإنه خلق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى وإن شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عنك وما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن ومن الإنس ومن الحيات ومن السباع ومن سائر الأشياء الضارة كلها بيد الله سبحانه وتعالى إن شاء سلطها عليك وإن شاء أمسكها عنك فلا تخف من غير الله عز وجل وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيده الخير فلا يملك أحد من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير إلا إذا أراده الله لك ويكون هذا الشيء سببا فقط أجر الله على يده الخير لك أو سببا أجر الله على يده الضرر عليك هي مجرد أسباب وإلا فما من شك أن النار تحرق وأن السبع يتفرس وأن العدو يفتك بعدوه ولا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى نواصيها بيد الله وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فإذا أراد الله سلط عليك هذه الجنود وإذا أراد حبسها عنك أو حبس عنك هذه الجنود إذن فلا تعلق قلبك إلا بالله ولا تتوكل إلا عليه ولا تفوض أمورك إلا إليه ولا يمنع هذا من أن تتخذ الأسباب الجالية للخير والأسباب الواقية من الشر ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى طبعا للشيخ يزي donc toutes ces affaires qu'on a mentionné reviennent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui t'arrive de bien ou de mal, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui mérite donc l'adoration. Et qui mérite qu'on mette sur lui notre confiance. Et qu'on l'invoque et qu'on mette notre espoir et qu'on le craigne uniquement. Et tout ce qui est en dehors de lui est une créature parmi ceux qu'il a créé lui. Hein. Et c'est soumis à sa volonté. Hein. Tout est entre sa main, tout est entre son pouvoir. S'il veut, hein, il le met contre toi, il met toutes ces choses contre toi. Et s'il veut, il les retient toutes de toi. Hein. C'est de cette façon-là. Donc le chef il dit tout ce qu'il y a sur la terre de mal, hein, que ce soit du mal qui peut venir des êtres humains, qui peut venir des shayatins, des djinns, ou bien des shayatins parmi les hommes, hein, les diables parmi les hommes, et les diables parmi les djinns. Également, donc, le cheikh il dit, les serpents, les bêtes féroces, hein, les chiens ou les autres animaux, hein, même les mystiques des fois, hein, qui viennent te piquer, ou les guêpes, les abeilles, ou les autres, n'importe quoi qui existe dans l'univers. Hein, tu vois, des fois, ils parlent des mystiques. À la télé, il n'y a pas longtemps, il y avait la fièvre du Nil. On dit qu'il y a des moustiques, s'ils te piquent, ils transportent un virus ou quelque chose. Si tu l'attrapes, tu peux mourir. Des mouches, plein d'autres bêtes comme ça. Hein. Tout ça, qu'est-ce qui existe qui peuvent te nuire dans cette dunya, elles sont toutes entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il les met toutes contre toi, ou s'il veut, il le retient. Donc, c'est la même chose pour toutes les autres choses mauvaises. Elles sont toutes entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne crains pas autre que Allah. Ne crains pas autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour le bien. Tout le bien, tout ce qui est de bien, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans le verset 26 dans Sourate Al-Imran, بِيَدِكَ الْخَيْرِ On dit, hein, entre tes mains, et le bien est entre tes mains. Et c'est toi qui as le pouvoir sur toute chose. بِيَدِهِ الْخَيْرِ Tout le bien est entre sa main, et personne ne possède, hein, personne parmi les créatures ne possède la capacité de te donner quelque chose du bien, excepté ce que Allah a voulu, hein, pour toi. Et donc, il faut que tu crois que cette chose, que cette personne qui va te donner le bien par la permission d'Allah n'est qu'une cause, hein, et qu'un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce bien. Et ou bien c'est une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un mal t'atteigne. D'accord? Et donc ce sont seulement des causes ou des moyens. Mais en dehors de ça, c'est clair que, le chef il dit, c'est clair que le feu brûle. Hein. Allah a mis en le feu la force et la capacité de brûler. Comme il a mis en la bête féroce la capacité de te blesser ou de te manger même, de te mordre. Ou en ton ennemi la capacité de te, ou la force de t'attaquer ou de te frapper. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé certaines choses et il a mis en ces choses-là, ou l'a créé en ces choses-là, un mal en lui-même, ça on ne nie pas, hein, comme les Jahmiyyah ou les Asha'ira qui disent que le feu brûle pas, et qu'il y a des trucs de ce genre, ils disent c'est pas le feu qui brûle, c'est pas le couteau qui coupe, ou des trucs de ce genre. Donc ça, on nie pas la réalité de ces choses-là, parce que ça c'est la réalité, elle est observable. Hein, Allah a mis dans le feu la capacité de brûler, il a mis en la lame la capacité de couper, et ça on ne le nie pas, sauf que on croit que ces choses-là sont des causes, hein, des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, hein, et il n'y a pas de doute que, comme le cheikh dit, que ce sont toutes ces choses-là qui possèdent la capacité de nous nuire, en réalité, ou de nous, donc le cheikh il dit que ce sont comme des armées parmi les armées d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Personne ne connaît la réalité des armées de Allah subhanahu wa ta'ala, de ton Seigneur, excepté lui. Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup d'armées. C'est pas comme nous les êtres humains, on a seulement des armées comme des êtres humains et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans sa création, ça fait partie de ses armées. Les moustiques, les bêtes, les microbes, les bactéries, tous ces, s'il les jette contre toi, des trucs que tu peux même pas voir avec tes yeux, il le met contre toi, tu peux même pas te défendre, ni te protéger. Wa alaykum salam, Allah. Hein, les anges, hein, les autres, le vent et tout. Tout ce qui existe dans la création, il peut les utiliser contre qui il veut. Donc, tout ça, c'est ses armées et il tient tout par son tout-père. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien, hein, eh ben, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Et s'il veut retenir ses armées contre toi, il n'y a personne qui peut les faire tomber sur toi. Et s'il les envoie contre toi, il n'y a personne qui peut les retenir. Donc, mets ton cœur et accroche ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, et ne mets ta confiance qu'en lui. Et remets toutes tes affaires à lui seul. Et donc, le fait que tu mettes ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas les moyens nécessaires pour arriver à faire venir un bien, et que tu ne prennes pas les moyens nécessaires pour faire éviter le mal, ou te protéger d'un mal. Non, tu prends les moyens nécessaires, hein, pour te protéger. Par exemple, il fait moins 40 degrés dehors, tu ne vas pas dire, je vais sortir sans vêtements, puis je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va me réchauffer. Non, tu prends les moyens que Allah t'a donné pour te protéger du froid. Tu mets des vêtements chauds, et là tu sors dehors, et tu mets ta confiance par la suite en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne mets pas ta confiance 100% en ces vêtements-là, comme si c'est fini, après avoir mis ça, tu es protégé. Hein. C'est Allah qui décide par la suite s'il t'arrive quelque chose ou non. Mais tu ne vas pas juste dire, je ne prends pas les moyens nécessaires. La même chose pour le bien, hein, tu vas pas dire par exemple, je vais avoir de l'argent, je vais rester assis, puis l'argent va venir tout seul. Non, tu prends les moyens nécessaires pour l'avoir, qui sont halal, et puis par la suite le bien va venir, d'accord. Mais ça veut pas dire que tu vas sortir travailler, tu vas faire ce qu'il faut pour faire de l'argent, mais à la fin tu mets ta confiance toujours en Allah, parce que c'est uniquement par la permission d'Allah que tu peux avoir ce bien-là. Donc ça nous explique un peu mieux la question, parce que on voit que ça a un lien très très direct avec la question de tawakkul et avec la question de al-qadar, al-iman bil-qadar et toutes ces choses-là. C'est tout relié, ça, le tawhid, al-qadar et al-tawakkul, ça fait partie de ces choses-là. Ensuite, le cheikh il mentionne tout de suite après ce verset-là, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, comme preuve, il a ramené un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit an Imran ibn Hussein radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr faqala ma hadha qala min al-wahimah qala inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan rawahu Ahmad بسند لا بأس به. ما هذه؟ ici لا إلا إلا مي أو فيمينه. نا آه نا في ما هذا pardon. mais il y a d'autres réwayats, c'était ما هذه. en tout cas, donc c'est quoi ça, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? c'est rapporté selon Imran ibn Hussein رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il a vu un homme, hein, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait un bracelet de cuivre dans sa main, dans son bras, hein, dans son poignet. Alors il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ça, hein, ma hada. Il a dit, c'est, je le porte, il dit, min al-wahina, un genre de maladie, on va voir qu'est-ce que c'est. Il a dit, enlève-la, car elle ne va en réalité que t'augmenter dans cette maladie-là, dans ce problème-là. Au lieu de te guérir, elle va t'augmenter en maladie. Et si tu meurs alors qu'elle est sur toi, tu n'auras jamais le succès. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmad, et il dit que c'est rapporté avec une isnad qui est la Ba'sabihi, c'est-à-dire elle n'a pas de problème. Toutefois, le hadith, il est da'if, il est rapporté selon Ahmad dans Al-Musnad, selon Ibn Majah, c'est le hadith 3531 dans Ibn Majah, sauf qu'il n'y a pas la fin dedans, fa'innaka, et si tu meurs avec, tu n'auras jamais le succès. Et Ibn Shibban, il l'a rapporté avec cette fin-là, ok, sauf qu'à la fin ça dit innaka in mut in tamut wa hiya alayka wukilta ilayha. Ça c'est dans la version de Ibn Shibban, et At-Tabarani dans Al-Kabir, il l'a rapporté, et ils l'ont tous rapporté de Al-Mubarak ibn Fadala, selon Al-Hassan al-Basri, et donc il a dit que c'est Omar ibn Hussein qui lui a transmis. Il dit mais cette isnad elle est daïf. Puis en conclusion, c'est un hadith qui est daïf. Sachez que par contre en principe, il y a dans le livre de Kitab al-Tawhid un nombre de hadiths qui sont daïfs. Toutefois, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a suivi la même méthode que la méthode des muhaddithin, des ulama hadiths, quand ils rapportent des hadiths dans chaque chapitre sur différents sujets, peu importe s'il y a des hadiths qui sont daïfs dedans, il y a toujours quand même une base à ces hadiths-là qui est sahih. Comme là, par exemple, dans ce chapitre, il y a la mention de quelques hadiths, comme il y a 1, 2, 3 et 4 hadiths dans ce chapitre. Sur les 4, il y en a 2 qui sont daïf et 2 qui sont hassan. Donc, ça prouve qu'il y a une base qui est authentique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une preuve pour, disons, dire qu'à la base, il y a un fondement sur ces paroles-là, dans ces hadiths-là. Toutefois, il mentionne également des hadiths parfois qui sont daïfs, hein. Même s'ils sont daïfs, c'est juste pour ramener comme témoignage. Alors qu'en réalité, la base, c'est le hadith sahih et les ayats aussi, les versets de Coran qui sont mentionnés également comme preuve aussi. D'accord? Et ça, vous allez voir ça souvent dans les livres de Aqida. Souvent, il y a des imams, ils vont mentionner les preuves dans sur un sujet, ils vont mentionner les ayats dans le Coran, après ils vont mentionner des hadiths qui sont authentiques, puis après ils vont mentionner tout ce qui est écrit, tout ce qui a été dit à ce sujet-là, que ce soit sahih ou daif. Mais c'est pas comme preuve, mais c'est comme juste pour dire comme témoignage que il y a c'est aussi ces paroles-là qui ont été rapportées, même si elles ne sont pas authentiques. Toutefois, à la base, ou qu'est-ce qui supporte cette question-là ou ce sujet-là, c'est les hadiths qui sont, et les ayats, les hadiths qui sont authentiques. D'accord? Mais bien entendu, le hadith daïf, il n'est pas une preuve en lui-même. Il ne peut pas être utilisé comme preuve. Donc, c'est juste pour dire que ce hadith-là en particulier, il n'est pas sahih. Toutefois, la question la question pour laquelle il est mentionné, elle est authentique, elle est vraie, éprouvée par d'autres hadiths. Ok? Donc, on va lire qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que j'ai déjà traduit tout le hadith? J'ai déjà lu la traduction? Il dit, si tu meurs avec, tu n'auras jamais le succès. D'accord. Donc, maintenant, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie, ce hadith-là. Hein? Car même s'il n'est pas, comme j'ai dit, même s'il n'est pas sahih, il y a d'autres hadiths, il y a d'autres versets qui prouvent l'authenticité de ça, en principe, et donc on peut quand même l'expliquer pour montrer les différentes choses qui sont supportées par les preuves au sujet de cette question-là. Cheikh dit, « وَقَوْلُهُ عِمْرَانِ ibn حُسَيْنِ ibn عُبَيْدِ الْخُزَاعِ وَهُوَ وَأَبُوهُ صَحَابِيَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » من أفاضل الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الرجل مبهم ولكن جاءت الروايات أنه نفس عمران بن حسين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة الحلقة هي الشيء المستدير الذي يدار على العدد أو على الذراع أو على الأصابع أو الأصبع فالشيء المستدير يسمى الحلقة ومنه تحلق القوم إذا استداروا في جلوس أو دي الحلقة donc le cheikh il dit que Imran ibn Hussein son nom c'est Imran ibn Hussein ibn Ubayd al-Khuzai lui et son père lui c'est Imran le fils de Hussein les deux sont des sahabi lui et son père les deux sont des sahabi radiyallahu anhuma et ils sont parmi les grands parmi les bons les plus importants parmi les sahaba parmi les meilleurs d'entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il a vu un homme et l'homme en question n'est pas défini ou n'est pas décrit dans sa hadith, il n'est pas mentionné c'est qui exactement, toutefois que le cheikh Fawzan il dit que dans d'autres narrations de ce hadith on a mentionné que c'était lui-même Imran ibn Hussein lui-même qui était en question dans ce hadith-là il dit que dans sa main il y avait un bracelet et le mot qui est utilisé comme dans le titre de ce chapitre c'est Al-Halqa et Al-Halqa c'est toute chose qui est en forme circulaire toute forme qui est de forme circulaire qu'on met autour d'un membre de notre corps que ce soit autour du bras ou du poignet ou du doigt et c'est pour ça que toute chose qui est en cercle on utilise le terme Halqa ok pour le définir comme quand on s'assoit pour étudier dans la mosquée on forme souvent une forme de cercle donc on appelle ça Al-Halqa parce que c'est on est assis en forme de cercle من صفر le bracelet est en forme de est en la matière qui le compose c'est du cuivre صفر en arabe نوع من المعدن معروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الظاهر انه سؤال انكار وقيل انه سؤال استفهام فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قصده في هذه الحلقة فقيل ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئا حتى يعرف مقصود صاحبه إذا كان الشيء متحملا أو محتملا فإن كان مقصود صاحبه فإن كان مقصود صاحبه شرا فإنه ينكره الشيخ الذكر Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahabi, dans cette parole qui a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que c'est une question, il y en a qui ont dit que c'est une question dans le but de réprimander le sahabi qui a fait ça. D'autres ont dit, non, il voulait seulement demander pour essayer de comprendre ou de savoir pourquoi il porte cette chose-là dans son bras. D'accord, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait savoir c'était quoi son intention à lui d'avoir porté ce bracelet-là. Et le cheikh, il dit que dans ça, il y a la preuve que c'est obligatoire de dénoncer quelque chose de munkar, ou de dénoncer quelque chose de mal. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, c'est obligatoire de lui dire, et de le dénoncer ce mal. Et en même temps, le cheikh, il dit qu'il y a également la preuve que lorsque tu vois une personne qui fait quelque chose de mal, tu ne dois pas le dénoncer ce mal avant d'avoir demandé à la personne quelle était son intention d'avoir fait ce mal. D'accord? Tu ne vas pas tout de suite sur la personne et tu lui dis « ça c'est haram, qu'est-ce que tu fais ?» etc. etc. Avant, tu lui demandes pourquoi il fait ça, ou bien pourquoi il porte ça. Ou tu lui demandes, walaykum salam, et savais-tu que cette chose-là en particulier, c'est pas correct dans l'islam, ou des choses de ce genre. Tu vas pas directement sur la personne dénoncer l'affaire direct comme ça, de cette façon. Parce que tu sais pas, peut-être que la personne, premièrement, peut-être qu'elle est ignorante. Deuxièmement, peut-être qu'elle avait pas l'intention de contredire qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Donc, il faut commencer par demander à la personne de s'expliquer pourquoi elle est en train de faire cette chose-là. D'accord? Et ça, ça fait partie de la sagesse dans la façon dont on vient pour changer un mal ou pour dénoncer quelque chose de mal. Donc, comme le cheikh il dit, qu'il a demandé qu'est-ce que c'est que ça. Et il a répondu, il a dit, ça c'est la chose en question, il a expliqué pourquoi il le porte. Et en particulier, tu demandes ça quand tu vois que la chose en question que la personne est en train de faire peut être comprise ou expliquée ou peuvent impliquer plus qu'une chose. C'est-à-dire, la personne peut porter cette chaîne pour différentes, ou ce bracelet pour différentes raisons. Hein? Comme j'ai dit hier, il y a la personne qui, la femme qui était avec son enfant, puis elle a dit qu'il portait la chaîne avec la main et l'œil dedans, que c'était pour décoration seulement. Après que je lui ai expliqué que c'était shirk, je lui ai dit, est-ce que vous le portez parce que vous croyez que ça vous protège d'un mal ou parce que vous croyez, ou bien parce que vous le portez pour décoration ou embellissement? Elle m'a dit, il le porte pour embellissement ou pour décoration. Dans les deux cas, de toute façon, c'est haram pour un homme. Parce que premièrement, un homme n'a pas le droit de porter une chaîne en or. La chaîne était en or. Et le petit, c'est un homme, c'est un garçon. Donc, il n'a pas le droit de porter d'or. Et même si c'est pas en or, il n'a pas le droit de porter de chaîne non plus. Parce que les chaînes, ça fait partie des embellissements qui sont pour les femmes, pas pour les hommes. Un homme n'a pas le droit de porter des chaînes dans l'islam. Ça, c'est spécial pour les femmes. D'accord? Et donc, dans les deux cas, ou dans les trois cas, peu importe. Pourquoi il porte la chaîne, c'est pas permis pour l'enfant de porter la chaîne. Ou pour un homme de porter une chaîne. Ça, c'est pour les femmes. Hein? Zina, c'est pour les femmes. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, mais si il le porte avec l'aqida, avec une croyance, comme on a dit hier, que c'est pour protéger d'un mal, ça c'est shirk. Si il croit que ça protège en lui-même, en dehors d'Allah, c'est shirk akbar. Ça le fait sortir de l'islam. Si il croit pas que ça le protège en elle-même, que cette chaîne ou que cette main, elle a un pouvoir elle-même de le protéger en dehors d'Allah, mais qu'il pense que c'est une cause ou un moyen de se protéger d'un mal, ça c'est shirk asrar. C'est un shirk asrar. Donc, peu importe, que ce soit pour, il le met pour se décorer ou bien pour autre raison, c'est haram dans tous les cas, soit que c'est shirk akbar ou asrar ou bien soit que c'est un péché. D'accord? Donc c'était juste pour montrer. Mais là, lui, ça peut impliquer un des deux. Le sahabi, on dit dans cette narration qu'il avait un bracelet en cuivre. Ça peut être pour différentes raisons. Peut-être qu'il veut le mettre pour se décorer. Hein? Peut-être qu'il le met parce qu'il croit en cette chose. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé. Hein? Et là, effectivement, le sahabi, il a répondu. Il dit, « قَالَ مِنَ الْوَاهِنَا يَعْنِي لَبِسْتُهَا مِنْ أَجْلِي دَفْعِ الْوَاهِنَا اوكي من دفع الواهنه لتقيم منها والواهنه مرض يصيب اليد يسمى عند العرب بالواهنه وكان من عاداتهم لبس الحلقه من اجل توقي هذا الوجع يزعمون ان هذه الحلقه تدفع هذا الوجع قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها النزع معناه الرفع بشده أي ارفعها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارفعها مسرعا بنزعها ونشيطا في رفعها لا تتواني في تركها على جسمك لأنها مظهر الشرك والعياذ بالله ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك وأن الإنسان لا يتوانى ولا يتواني في تركها. الشيخ il dit que le sahabi a répondu que c'était pour al-wahina il l'a posé ou il l'a mis dans son bras pour se protéger contre qu'est-ce qui s'appelle al-wahina, et c'est une malade, c'est une maladie qui vient dans les mains et qui existait chez les Arabes, et pour se protéger de cette maladie-là, il portait ce bracelet-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il croyait que ce bracelet pouvait éloigner ce malaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit inzi'aha, inzi'aha, wa alaykum salam wa rahmatullah. Inzi'aha, ça veut dire enlève-la, yani retire-la, jette-la tout de suite. Hein? Et l'enlever rapidement et avec force pour s'en débarrasser, pour l'enlever de toi-même, parce que ça fait partie des formes des choses qui appartiennent à l'apparence du shirk ou des mushrikin. Et donc, l'être humain ou le musulman, quand on lui dit quelque chose comme ça, il ne doit pas rester comme si, oh oui, je vais l'enlever plus tard, hein, je vais l'enlever plus tard chez moi. Tu dis à quelqu'un, par exemple, qui porte ces trucs comme la main, là, qu'il met avec l'œil, dans son cou, ou bien dans sa maison, il y en a qui le mettent dans le magasin, dans leur commerce, une grosse main avec un œil, hein, oui, oui, bien grosse, avec, ils mettent ça, les juifs ils mettent ça aussi, il y a des musulmans qui mettent ça dans leur magasin. Tu lui dis, ah, si ça c'est shirk de le porter, de le mettre dans ton magasin, ça c'est pas permis, ça fait partie des choses des mushrikines. Tu lui dis ça, ah mais ça c'est juste une décoration, mais ça on sait que c'est pas vrai. Merci. Depuis du moment que tu sais que c'est shirk, même si toi tu le mets pas dans cette intention là, d'autres le font, et donc tu ressembles à ces gens là en faisant ça, automatiquement, tu perds pas une seconde, tu t'en vas le prendre sur le mur puis tu le jettes, tu l'enlèves. Tu n'attends pas pour dire, ah, je vais l'enlever demain, je vais l'enlever après-demain, hein. C'est comme un frère, une fois, Yannis, c'est un frère salafi, connaît, Yannis, il étudie le tawhid, l'aqida et tout. Et, j'étais étonné, en fait. Il a une petite fille, et je pense qu'elle a peut-être 4 ans, 5 ans. Je vois dans son cou une chaîne en or, avec une main, avec l'œil aussi. Il y a ta fille, elle a un truc avec la main, là, avec l'œil, que les gens portent pour protéger contre la haine. J'ai dit, enlève-lui ça tout de suite, ça c'est shirk. Il dit, ah mais c'est ma mère qui lui a donné, puis elle veut pas qu'on lui enlève. Il dit, ah, subhanallah, même si ta mère lui a donné, peu importe, t'as pas le droit de le laisser dans son cou, même pas une seconde de plus. Hein? Donc automatiquement, bon là après le frère il a compris, il l'a enlevé. Mais c'est pour dire que des fois les gens, hein, face à leurs parents ou face à d'autres, des gens proches de la famille ou autres, ils ont un petit côté sentimental, c'est-à-dire, ah oh, mais je veux pas faire de la peine à mes proches, si j'enlève ça ils vont être tristes ou ils vont avoir de la peine. Ça c'est des questions qu'on parle de Jannah et Nar, on parle de de haq et batil, il n'y a pas de sentiment là-dedans, c'est une question de, yani c'est un danger là, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas des choses avec lesquelles on peut jouer, d'accord. Donc il faut prendre ça avec sérieux, hein. Donc yani c'est la même chose que par exemple quelqu'un mettrait une croix dans son cou, hein, il accepterait pas de mettre une croix dans le cou de son enfant. Mais quand il met la main, c'est la même chose. C'est la même chose, parce qu'il y a une aqida qui est reliée à ça. Hein? Il y a une aqida qui est reliée à ça, que tu crois que cette chose, cet objet, elle a une force ou une capacité de protéger contre un mal. Et au sujet de cet objet, il n'y a pas de preuve qu'elle protège le mal. Ni dans la charia, ni dans le Coran, ni dans la sunna, ni dans l'umour al-hissiyya ou hein, dans les affaires de la réalité des observables. On ne peut pas prouver que ça éloigne ces genres de choses mauvaises-là. Donc, ce n'est pas permis pour un musulman de les porter, même si ce n'est pas une croix. D'accord ? Non. Ça, on y vient. Ça, c'est qu'est-ce qui va suivre, Inch'Allah. Mais si tu veux poser la question, tu peux la poser tout de suite. Ouais, c'est ça. S'il les enlève, il doit pas juste les jeter comme les mettre dans un tiroir ou quoi, il doit, bon, si c'est un truc en or, hein, il peut peut-être, Allahu A'lam, les faire fondre et le transformer en quelque chose d'autre. Hein? Comme je pense même que ça a été rapporté au sujet des idoles, des mouchriquins qui faisaient des idoles en or, hein, qu'on prenait l'or, qu'on le faisait fondre et qu'on faisait quelque chose d'autre avec. Hein, des trucs de ce genre. Wallahu a'lam. Mais si, sinon, si c'est du bois ou autre, on les brise, c'est tout. On les détruit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit les idoles des mouchriquins à Mecca. Si c'est le Coran, tu le brûles. Tu le brûles pour pas que quelqu'un soit capable de marcher dessus ou des trucs de ce genre. D'accord? Par respect pour le Coran. Ensuite il dit ثم علل صلى الله عليه وسلم ما في بقائها عليه من الضرر قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلا ضعفا والوهن معناها الضعف والمرض فهذا فيه دليل على أن من لبس هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد دفع الضرر فإنه يسبب عكس المقصود فإنه لبسها من أجل توقي المرض والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلب المرض وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء تجدهم دائما في قلق وفي خوف ولكن الذي يتوكل على الله لا يهمه هذه فتجده نشيطا قوي العزيمة مرتاح الضمير منشرح الصدر تجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيف الجسم منهك القوى ومهموما حزينا يتخوف من كل شيء. Le Cheikh il dit que l'une des raisons que le prophète sallam a donné au sahabi pour lui montrer que cette chose-là était mauvaise pour lui, il lui a dit que au lieu de te guérir de cette maladie, elle ne va t'augmenter qu'en faiblesse. Hein, ça c'est al-wahn, c'est ça que ça veut dire, la faiblesse et la maladie. Donc le chef il dit que ça prouve que de porter ce genre de bracelet-là ou ce genre de collier ou des trucs de ce genre pour se protéger d'un mal, eh bien en réalité ça amène l'effet contraire. Ça amène l'effet contraire. Il l'a porté pour se protéger d'une maladie et ça l'augmente en maladie. Et ça c'est clair quand on regarde les gens qui portent ces choses-là, tu les vois toujours en train d'avoir peur de quelque chose ou ils ont toujours peur de quelque chose, ils sont toujours faibles et des choses de ce genre. Tandis que celui qui met sa confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il n'a peur de rien. Tu le vois qu'il a toujours qui est toujours plein d'énergie, toujours fort, déterminé, qui est en paix avec lui-même, qui marche et qui a le cœur ouvert, etc. Il ne craint personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui met sa confiance en ces objets-là, tu les vois toujours faibles. Et la preuve de ça, je l'ai vu même chez un musulman, un frère à Montréal qui vient d'un pays, il a ces formes de aqida là, de soufis et tout ça. Et quand je suis rentré chez lui, j'ai trouvé les photos d'une tombe d'un wali quelque part dans son pays. Il met ça sur les murs. Puis c'est un kubouri, hein, il adore les kubours et les trucs de ce genre. Et je le voyais toujours avec des tas d'amulettes accrochées sur ses bras. Hein, et subhanallah, je l'ai connu, ça fait longtemps ce frère. Il était normal, en forme. Et puis, tout d'un coup, je le vois, il commence à être comme on dit, en crippled, on dit, handicapé, comme son bras est tordu, je sais pas, il est devenu faible, il est vraiment transformé. Donc c'est comme pour dire que lui, il porte ces choses-là pour essayer de se guérir d'une maladie, il devient encore plus malade et plus faible encore. Donc c'est pour voir, c'est la réalité. Et comme je disais tout à l'heure aussi à propos du fait qu'il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui peut arriver de mal, excepté ce qu'Allah a écrit pour toi, il n'y a rien de bien qui peut arriver, excepté ce qu'Allah a écrit pour toi. Même par exemple, la question par exemple de la magie et des mauvais sorts et des trucs de ce genre, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans Surah Al-Baqarah, il dit, à propos des magiciens et des gens qui font la sorcellerie, hein, les sorciers, les sorciers qui font la sorcellerie, dit « وَمَا هُمْ بِضَرِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » Même les gens qui veulent te faire de la magie ou te jeter un sort, ils ne peuvent pas te faire rien excepté par la permission d'Allah. Donc ça veut dire toujours la confiance en Allah, ça vient en premier de tout. Hein, parce qu'il a dit, oui, tout passe par Allah. Donc il y a des gens qui passent, qui essaient d'utiliser toutes sortes de moyens de shirk pour se protéger de la magie. Hein, et ils, donc au lieu de, en réalité, au lieu de tomber dans, au lieu de se protéger par le Coran, de se protéger par les choses halal, les choses de bien, ils se protègent du shirk et de la magie par la magie et par le shirk. A'udhu billah. Donc déjà la magie c'est kufr. Eh bien, il se protège par le kufr, avec, contre le kufr. A'udhu billah. Je me rappelle plus. Mais tu vois, si je me rappelle, je vais te le dire, inshallah. Donc, où est-ce qu'on était rendu? Mais c'est ça. Le cheikh, il dit quelque chose dans ce sens-là ici. C'est celui qui craint autre que Allah, qui utilise ces objets-là, ou ces choses-là, tu le vois qu'il est faible, qu'il est toujours triste, hein, et il a peur de toute chose. Hein, hein, il a peur de toute chose. Il est faible, il a peur de toute chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le chef? Il continue l'explication, il dit « فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا أي لَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا مَا أَفْلَحَ أَبَدًا » Si tu meurs alors que cet objet-là est sur toi, tu n'auras jamais le succès. C'est-à-dire, si tu meurs sans faire le tawba, tu n'auras jamais le succès. وهذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفر حتى ولو كان شركا أصغر يعذب به إن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر فلا يخلد في النار ولكن يعذب biha bi qadrihi. Cheikh il dit que la personne qui meurt avec cet objet-là sur lui, sans se repentir, il n'aura jamais le succès. Donc il y a la preuve là-dedans que celui qui meurt en faisant quelque chose du shirk, même si c'est un shirk mineur, il sera puni pour s'il ne s'est pas repenti. Tandis que même s'il n'est pas puni éternellement comme le comme la personne qui fait le shirk majeur. Celui qui fait le shirk majeur, il reste éternellement en enfer. Tandis que celui qui fait un shirk mineur, il sera puni dans l'enfer. Hein? Il sera puni. Il sera puni selon la quantité ou la proportion de shirk qu'il a fait. Mais il ne va pas être éternellement en enfer parce que c'est un shirk mineur. Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Il y a un frère qui m'a posé la question hier au sujet du musulman qui fait cet acte, qui pratique ces choses-là par ignorance. Est-ce qu'il est considéré comme kafir ou mushrik, même s'il est ignorant ou non? Ok. Et là, j'ai lu la question. J'ai lu la question à ce sujet-là ce matin. Dans le livre Nawaqid de l'Islam, l'explication du Cheikh Abdul Aziz al-Raïs. Et il a donné les positions, parce que là-dessus, comme j'avais dit, il y a deux positions chez les ulama. Il y en a une portion des ulama qui ont considéré que la preuve a été établie par le fait que le Coran et la Sunna sont disponibles parmi les gens. Et donc, étant donné qu'ils ont eu accès au Coran et à la Sunna, la preuve a été établie contre eux. Toutefois, il y en a d'autres qui ont considéré que non, s'ils sont ignorants, tant qu'ils ont fait cet acte par ignorance, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être nés dans des endroits où les gens sont nés musulmans, mais ils ont pratiqué des formes de shirk sans savoir que c'était du shirk, hein, depuis des générations parfois. Donc, d'après ce qui a été présenté comme preuve, c'est que ces gens-là sont excusés pour leur ignorance. D'accord? Mais une fois que la preuve a été établie contre eux, là, s'ils persistent, dans ce cas-là, walaykum salam wa rahmatullah, dans ce cas-là, ils seront mushrikin. Hein? ça c'est, il y a ça, puis aussi il y a aussi le point ou la distinction entre la personne qui est ignorante parce que elle veut être ignorante et la personne parce qu'elle veut être ignorante dans le sens qu'elle s'éloigne de la connaissance et elle veut rien savoir, hein. En fait ça lui dérange pas du tout, ça lui est égal de connaître ces choses-là ou non. Ça c'est une autre question. Ça c'est en réalité cette personne-là est pas excusée parce qu'elle fait pas d'effort elle-même, elle veut même pas savoir, hein. Ça lui est égal de savoir ou de pas savoir. Et il y a l'autre question de la personne qui ne sait pas, hein, elle le sait, et puis que c'est pas volontaire. C'est pas parce qu'elle a pas voulu savoir, mais c'est parce qu'elle l'a pas su. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, et Cheikh il a mentionné les preuves de ceux qui disent qu'il n'est pas excusé, il a mentionné jusqu'à 11 différentes preuves pour ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont ramené comme référence. Et après, il a rapporté les preuves de ceux qui disent non, il est excusé. Et après, il a montré, il a fait comme un genre d'analyse des arguments des deux côtés, puis il a conclu que la personne qui est ignorante, elle est excusée. Et il y a peut-être la prochaine fois j'amènerai quelques exemples des preuves qui ont été mentionnées des deux côtés. Parmi les preuves qui ont été mentionnées pour ceux qui disent que la personne est excusée, il y a le hadith de l'homme qui est mort. Avant sa mort, il a dit à ses enfants, parce qu'il avait fait des péchés, il avait fait beaucoup de choses haram, et il a dit à ses enfants que lorsque je vais mourir, de brûler mon corps, puis de prendre une partie de mes cendres et de les mettre dans la mer, et de prendre une partie de mes cendres et de les répandre sur la terre. Et Yannick, en voulant dire qu'il pense qu'en faisant ça, Allah ne sera pas capable de ramener ses cendres ensemble puis de le ressusciter tel quel. Donc, lorsqu'il est mort, ses enfants ont fait ça, et Allah s'est rendu au jugement dernier, il a rassemblé toutes ses cendres, et donc il s'est trouvé debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette chose-là, hein, à te demander cette chose-là, que tes enfants fassent ça avec toi. Il a dit, je craignais, à cause de mes péchés, de te rencontrer, donc j'ai demandé à mes enfants de faire ça avec mon corps. Et les ulama, ils ont expliqué, plusieurs parmi les ulama, ils ont expliqué que l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Cette croyance qu'il avait en réalité, c'est une croyance de kufr. Dans le sens qu'il croit que Allah est incapable de le rassembler son corps. Et ça, c'est kufr. Parce que tu doutes en la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et les ulama ont dit que cet homme a été excusé par son ignorance. Du fait qu'il était ignorant. D'accord? Parce que, sinon, et ce serait un acte de kufr de douter en la capacité totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était ça une des preuves qui a été mentionnée pour dire que la personne est excusée si elle est ignorante. D'accord? Non. Voilà qu'il y a un point important aussi à comprendre, c'est qu'on ne parle pas des kuffar l'asliyoun. Tu comprends? On ne parle pas des kuffar qui sont nés dans le kufr chrétien, juif, bouddhiste, athée ou autre, qui sont nés dans la mécréance, ceux-là sont kuffar, qu'ils aient reçu le message ou non, ils sont tous kuffar, hein, avant qu'ils aient accepté l'islam. Allah, la preuve de ça, ça fait partie même une des preuves qui a été mentionnée pour ceux qui disent que la personne n'est pas excusée pour son ignorance, c'est le verset qui dit « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ Le verset dans Surat al-Tawbah qui dit, si un parmi les mouchriquins te demande ta protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ensuite amène-le là où il veut aller. Ça veut dire que Allah les a appelés mouchriquins avant qu'ils aient entendu la parole d'Allah. Ça prouve qu'ils sont des mouchriquins, même s'ils n'ont pas entendu la révélation. D'accord? Donc, al-kuffar al-asliyoun sont des kuffars. Et la même chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالله أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il n'y a pas un juif ou un chrétien parmi les gens de cette umma, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi et qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Donc, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés juifs et chrétiens, avant qu'ils aient entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des preuves de ceux qui ont ramené le fait qu'ils seront pas excusés. Ils ne seront pas excusés pour leur ignorance. Donc, pour les kuffar al-asliyoun, ceux qui sont nés dans le kuffar, qui sont kuffar à la base, ces preuves-là, ça s'applique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas excusés. Mais pour eux, on parle des gens qui sont musulmans, qui ont dit la ilaha illallah, qui ont pratiqué l'islam. S'ils sont ignorants de certains aspects du shirk, ou de certaines choses qui font partie du shirk, et qu'ils les pratiquent par ignorance, eh bien, s'ils sont ignorants, on ne peut pas dire qu'ils sont kuffar, ils sont excusés pour leur ignorance. Donc, il faut distinguer entre les kuffar al-asliyoun et les autres, qui sont musulmans, mais qui ont tombé par ignorance dans un acte de kuffar quelconque, ou de shirk. Il y a aussi une autre distinction, c'est que c'est pas parce que tu dis qu'ils sont... Il faut distinguer aussi la question que tu les appelles kuffar, et la question de est-ce qu'ils vont être dans l'enfer ou non. Parce que ça dépend aussi du fait que si par exemple les juifs et les chrétiens ils meurent et qu'ils sont kuffars, on dit qu'ils sont kuffars parce qu'ils n'ont pas dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, puis ils n'ont pas cru en l'islam ou au Coran ou à la Sunna ou en prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc ce sont des kuffars, mais selon le cas où ils n'ont jamais par exemple entendu parler de l'islam, ou jamais entendu parler du Coran, ou jamais entendu parler de rien à propos de l'islam, ceux-là qui meurent sans jamais avoir eu le message, on peut pas dire qu'ils seront punis dans l'enfer éternellement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne va pas punir des gens tant qu'ils n'ont pas reçu un messager. Donc, s'ils sont morts sans avoir reçu le message, ils ne vont pas être punis. Et c'est pour ça qu'il y a des preuves qui montrent que ces gens-là vont être testés au jugement dernier d'un test spécial. Allah va leur donner une épreuve et ils vont être testés. Et ils auront un messager qui vont leur donner ce jour-là, etc. Donc, comme ça a été mentionné par les ulama à ce sujet-là. Donc ça c'est juste pour vous faire un petit résumé de la question. Puis en fait il y a beaucoup de détails autres que ça, mais c'est juste pour... Souvent c'est comme ça, oui. أنفسهم ظلما وعلوا. أصلي الله يبي الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Les gens qui ont reçu le livre, ils le reconnaissent, ce prophète, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. D'accord? Donc ça veut dire ils connaissent la vérité. Ils savent que le prophète صلى الله عليه وسلم c'est un vrai messager. Ils savent que l'islam c'est din al-haq, mais ils le rejettent par fierté, par orgueil. Souvent c'est comme ça. Ils savent qu'Allah existe, mais ils le rejettent, ils refusent de l'accepter par orgueil et par fierté. Donc, le fait qu'ils reconnaissent, que quelqu'un sache que quelque chose est vrai, ça ne fait pas de lui nécessairement un mu'min, tant qu'il ne l'a pas accepté et qu'il ne s'est pas soumis à la volonté d'Allah. Donc ça c'est à ce sujet-là. On va voir, il est quelle heure. Ok, on va continuer encore quelques minutes, après on va continuer le reste demain, inshallah, la semaine prochaine. Le Cheikh dit, فالشيخ, قال الشيخ رحمه الله في مسائله, فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر, لأن المعاصي وإن كانت كبائر, إذا لم تكن شركا فلا تخل بالعقيدة. أما الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة وأيضا لا يغفر على الصحيح والمعاصي الكبائر التي دونه مظنة المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشاهد من هذا الحديث ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يقصد منها دفع ضرر وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضا وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا وهذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو من أجل دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة لشيخ الذكر Le cheikh Mohamed Al-Wahhab, dans les points qu'il a mentionnés à la fin de ce chapitre, il dit que on peut voir dans les paroles de ce sahabi, donc à partir de ce hadith, que le shirk mineur, il est plus sévère, plus grave, plus sérieux que les petits péchés, que les grands péchés. Le shirk mineur est plus grave que les petits péchés. Le shirk mineur est plus grave que les grands péchés, les kabaïr. Ok? Comme si par exemple faire un shirk mineur, c'est plus grave que le zina, et plus grave que le khamar, plus grave que le qatl, plus grave que les autres grands péchés dans l'islam. Ok? La preuve dans le hadith qu'on a mentionné, puis dans d'autres versets que le cheikh a mentionné aussi, qu'on va donner comme exemple, mais c'est juste pour comprendre, il dit que pourquoi c'est plus grave que les grands péchés, le petit shirk, parce que les péchés, même si ce sont des grands péchés, tant que ce n'est pas du shirk, elles ne viennent pas, disons, en contradiction ou défaire ou nier, ou bien, elles ne viennent pas attaquer la croyance, elles ne viennent pas attaquer la croyance ou amener une défaillance dans la croyance. Et donc, c'est pour ça que le shirk, il dit, tandis que le shirk, il n'est pas excusé ou pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit majeur ou mineur. Ok? Tandis que les grands péchés, il peut être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 dans Surah Al-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut sortir de preuve dans ce hadith là, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dénoncé le fait de porter ces genres de bracelets là et de croire que ces choses là ou dans le but de protéger un mal, de croire qu'elles peuvent enlever un mal, et il a également informé que ce genre d'objet que les gens portent pour se protéger d'une maladie ou d'un mal ne font que les augmenter en malaise ou en malheur, en maladie. Et que si la personne meurt avec cet objet-là sur lui, eh ben, il n'aura jamais le succès. Et donc, ça prouve que c'est interdit de porter ce genre de bracelet dans le but d'éloigner un mal ou dans le but de ramener, de protéger contre l'aïn ou d'autres choses de ce genre, Et puis, c'est pas juste le bracelet qui est mentionné dans le hadith, mais comme on a dit hier, toute chose qui est portée par les gens pour soi-disant protégé d'un mal ou protégé contre Al-Aïn ou contre Al-Sihr ou contre d'autres choses de ce genre que les gens peuvent porter sur eux parfois. وَمِثْلُهُ رَبْتُ الْخَيْتِ عَلَى السَّاقِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَرْبِتُونَ خُيُوطًا عَلَى سِيقَانِهِمْ أَوْ عَلَى أَزْرَعِهِمْ أَوْ عَلَى أَصَابِعِهِمْ وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذَا يَمْنَعُ مِنَ الْمَرَضِ وهذا نفسه فعل الجاهلية وهو مثل الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم donc le cheikh il dit que c'est comme qu'est-ce que les gens portent parfois à leurs jambes parfois ils attachent des cordes comme ils attachent des cordes à leurs jambes ou sur leurs bras ou sur leurs doigts et ils croient que ça protège d'une maladie quelconque et ça fait partie des actions des gens de la jahiliya et le prophète ça fait partie de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé ou a renié ou a rejeté dans ce hadith là et il termine ce point ou cette explication du hadith en disant que ce hadith il dit قال رواه أحمد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الجليل أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي امتحن وصبر وامتحن في العقيدة على يد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس، لأن المأمون تأثر بالمعتزلة وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، منها تعريب الكتب الرومية وكتب الأمم الكافرة التي لما عربت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، وهذا كله بسبب المعتزلة لأنهم غرروا بهذا الخليفة. ففي هذا خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون من مصاحبة المبتدعة ومن مجالفتهم، لأنهم يؤثرون على من صاحبهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا لو عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم، فصار ضد أهل السنة، ووقف الإمام أحمد في وجهه وأبى أن يقول بخلق القرآن حتى ضرب وسجن وعذب، ولكنه صبر رحمه الله وصابر، وتعاقب عليه ثلاثة خلفاء كلهم ضده: المأمون والمعتصم والواثق، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات ولم يخضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكل ورفع عنه المحنة وناصره، وصارت العاقبة للمتقين والحمد لله، وأخذ الله المعتزلة ومن تابعهم. Il fait un petit résumé de ce qu'est l'imam Ahmad et qu'est-ce qu'il a subi comme fitna, et il dit que l'imam Ahmad c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, un grand imam, un parmi les quatre imams à qui on attribue un madhab, le cheikh des muhaddithin. Et c'est l'imam qui a été éprouvé et qui a enduré beaucoup d'épreuves à cause de l'aqidah, de la part des trois khulafa, al-ma'moun, al-mu'tasim et al-wafiq bi-amrillah. C'est les trois khulafa qui ont torturé Ahl-Sunnah et qui ont torturé l'imam Ahmad. En premier, c'était al-ma'moun, qui était le fils de Haroun al-Rashid. Ensuite, al-mu'tasim, qui a pris sa succession parce qu'il est mort. Il a été succédé par Al-Mu'tasim, il est mort lui aussi, et après il y a eu Al-Wathiq. Ces trois khulafa ont été des khulafa de Al-Abbasiyya qui ont été parmi les khulafa des Mu'tazila. Et ils ont tous les trois torturé durant leur règne l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mais l'imam Ahmad les a survécu à leurs épreuves, et comme le cheikh il dit, c'est que, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ces trois khulafa, ils ont été affectés par les Mu'tazila. Ils sont rentrés sur lui avec toutes sortes de croyances fausses, comme par exemple l'idée que le Coran est créé, wal'iyadu billah. Et également, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traduit en arabe les livres des Romains et des Grecs et des autres nations, des peuples parmi les peuples des Kuffars. Et s'ils s'étaient limités à traduire les livres qui parlent de choses bénéfique et utile pour les gens, comme les livres qui expliquent comme certains calculs ou des techniques ou des trucs que les gens ont besoin pour bâtir ou construire des trucs ou bien faire des bonnes choses pour les gens, ça aurait été bien. Le problème c'est qu'ils ne sont pas limités à ça. Ils ont en plus traduit les livres de ces idées, de ces philosophies-là, de ces gens-là et de ces idées qu'ils avaient, qui sont contraires à la foi, et ils ont commencé à essayer d'interpréter l'islam à la lumière de ces philosophies-là, comme si ce qu'on a dans le Coran et dans la Sunna n'est pas suffisant pour comprendre la parole d'Allah. Alors, c'est ça ce qui a causé l'égarement de beaucoup parmi les musulmans et l'apparition de cette secte qu'on appelle la secte des Mu'tazila, qui place leur raison au-dessus de la révélation et qui établissent des règles et des principes. Et puis par la suite, ils se basent sur ces règles et sur ces principes-là pour juger la parole d'Allah et juger la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils trouvent dans le Coran des choses qui sont contraires à leurs principes, ils déforment leur signification pour les rendre en accord avec ce qu'ils disent, eux, hein, et à leur soi-disant raison. Ou bien si c'est un hadith, eh bien ils vont le rejeter. Ils vont prétendre différentes façons, ou utiliser différentes façons pour le rejeter. Soit qu'ils vont dire par exemple que c'est des ahadith ahad, et qu'on ne prend pas les ahadith ahad dans les questions de aqidah. Ou bien ils vont utiliser d'autres raisons pour essayer de les rejeter, hein, qui sont toutes des shubuhat. Mais l'imam Ahmad a tenu tête à ces gens-là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens parmi les musulmans qui sont influencés par ces tendances du Mu'tazila encore aujourd'hui, et les occidentaux encouragent ces musulmans-là. Hein, les kuffars parmi les juifs et les chrétiens encouragent les musulmans qui ont ces choses-là. Et quand vous voyez ces musulmans-là qui parlent aux non-musulmans parmi les chrétiens et les juifs, ils leur disent, regardez, nous les musulmans, on a traduit les livres des Grecs pour vous, et on vous les a amenés en Europe, et c'est grâce à nous, hein, que les philosophies ont été préservées. Hein, donc ils sont fiers de ces choses-là, alors qu'en réalité, c'était la cause de l'égarement de beaucoup de musulmans, et c'était la cause de toutes sortes de fitnes qui sont venues par la suite, et de différentes sectes qui sont apparues parmi les musulmans à cause de ça. Et donc ça c'est le danger, comme le cheikh il dit, c'est le danger de s'associer et de s'asseoir et de prendre pour amis et pour discuter avec les gens de bid'ah. Quand tu t'assois avec eux, et bien tu te fais affecter par leurs fausses idées, par leurs mensonges, et c'est ça ce qui est arrivé à Al-Ma'moun, hein, et ceux qui l'ont suivi. Et le cheikh par la suite il dit, que Al-Ma'moun, à cause de ça, à cause du fait qu'il a fréquenté ces gens-là, il est devenu un ennemi de Ahl-Sunnah. Mais l'imam Ahmad a tenu tête à tout, au coup qu'il a reçu, à l'emprisonnement et à la torture, et à tout ça, il a tenu tête, il a été endurant, il a supporté tout ça, et il a survécu à trois khulafas, et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la victoire, hein, par la suite, parce que celui qui a succédé à Al-Wafiq, hein, après la mort de Al-Wafiq, il y a eu Al-Mutawakkil, bi-amrillah, et Al-Mutawakkil, lui, a remis la Sunna à sa place, et il a redonné à l'imam Ahmad, hein, sa position de gloire et d'honneur, et il a donné encore une fois la victoire à Al-Sunna wal-Jama'a sur les gens de Bid'a, et c'est comme ça que les Mu'tazila ont été humiliés et rabaissés, et qu'ils sont disparus complètement de, comme on dit, de la surface de la terre. Toutefois, il y a encore certains groupes parmi les gens de Bid'a qui ont la même aqidah que ces gens-là. Comme par exemple, la majorité des Shi'as ont la même aqidah dans les questions de aqidah, que ce soit dans Al-Asma wa Sifat ou dans Al-Qadar, ils ont la même aqidah que les Mu'tazila. Ok? Parce que les Mu'tazila ont affecté plein d'autres sectes à leur époque. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les Shi'as, leur aqidah dans l'asma wa sifat, c'est de nier les attributs d'Allah. Et dans le qadar, c'est de nier al-qadar. D'accord? Donc ça c'est, les Shi'as ils sont affectés par ça, ils ont encore cette aqidah. Les Asha'ira, on le sait, ils ont déjà encore eux autres une partie aussi de leur aqidah qui est affectée par la aqidah des Mu'tazila et également les modernistes actuels qui essaient de faire revivre la même voie que celle des Mu'tazila aujourd'hui. Ce qu'on appelle Al-Aqlaniyoun, bon, ils sont encore aujourd'hui présents, ils essaient de suivre leur même voie et de la réanimer. Non. Non. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que ça c'est l'ignorance. Il dit, فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به وأن نعرف أيضا موقفنا من الفرق. Faut pas penser que cette position de l'imam Ahmad c'était sa position à lui seul et que les autres imams n'étaient pas d'accord avec lui. Au contraire, ils étaient tous d'accord avec cette position-là. Les ulama avant lui et après lui. Hein? Sauf ceux qui ont dévié de la sunna. Mais l'imam Ahmad c'est le seul qui a tenu tête et qui a pris une position ouvertement et fermement. Sinon les autres imams, ils n'ont pas eu le courage et la force que cet imam-là a eu. Mais il ne faut pas penser que c'était juste l'imam Ahmed qui avait cette position-là seulement. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Donc le cheikh dit il faut connaître la position de cet imam et il faut connaître c'était quoi cette position-là et le prendre comme un modèle et un exemple dans ça, pour qu'on puisse savoir notre position vis-à-vis des groupes de dalal et des groupes d'égarement qui ont dévié de la sunna. Hein? Il dit « فَلِمَامْ هَذَا الْإِمَامْ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ مَوْقِفَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَأَنْ نَعْرِفَ أَيْضًا مَوْقِفَنَا مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَالْفِرَقِ الْمُخَالِفَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ حَتَّى لَا نَتَسَاهَلْ مَعَهَا وَنَعْمَلُ عَمَلِيَّةَ التَّجْمِيعِ وَنَقُولُ نَحْنُ نَجْمَعُ وَلَا نُفَرِّقُ كَمَا تَقُولُ بَعْضُ الْجَمَاعَاتِ بل يجب أن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل ونحن مع أهل الحق وإن قلوا ولسنا مع أهل الباطل وإن كفروا وإن كفروا فهذا هو الموقف الصحيح فالإمام أحمد وحده وقف في وجه أمة ونصره الله عليهم ولا بد أن الإنسان يناله أذى في مقابل موقفه وصبره وثباته ولكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك وهذا في ميزانه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى نعم فهذا الحديث رواه أحمد في مسنده إلى آخره donc le cheikh dit que l'imam Ahmed donc il faut connaître sa position il faut le prendre comme un exemple quand et on prend cette position là nous aussi vis-à-vis des groupes d'égarement parmi les sectes qui ont dévié de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et on ne doit pas prendre une position comme si on se laisse aller, puis on accepte tout le monde, puis on permet à tout le monde de suivre ce qu'il veut, hein, puis qu'on dit on veut réunir, notre but c'est de réunir tout le monde. Hein. On réunit, on divise pas. Il y en a qui pensent qu'en acceptant tous les gens qui disent n'importe quoi, même si c'est vrai ou faux, celui qui croit qu'il veut réunir les gens en ne mentionnant pas l'égarement de ceux qui se sont égarés, hein, le cheikh il dit que ça c'est une erreur. Il faut diviser entre les gens qui veulent la vérité et les gens qui veulent la fausseté et le mensonge. Hein? C'est ça, c'est pas le but de réunir tout le monde, le vrai et le faux ensemble. Ça c'est pas une union ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent, oh, les musulmans n'est pas unis, hein, on fait pas le Eid le même jour. Comme si c'était ça le problème. Ça c'est une ijtihad. Les ulama ils ont différence d'ijtihad là-dessus. Si tu te divises sur ce point-là, tu es excusé parce que c'est des questions d'ijtihad, hein, ça c'est pas un problème, c'est pas ça qui divise la Ummah. La vraie division c'est quand tu te divises au sujet de, est-ce que Allah tu dis qu'il est partout ou bien qu'il est au-dessus de son trône comme il a dit dans sa révélation, hein, ou bien tu dis qu'il est partout ou dans toutes choses, comme les soufis et comme les jeunes bédas, ça c'est l'iftiraq, ça c'est le balal, hein, parce que tu peux pas être, les deux peuvent pas être vrais en même temps. Faut qu'il y ait le haq et le ba'atil. Le haq, c'est qu'est-ce qu'Allah a dit. Quelqu'un, il dit qu'il nie les attributs d'Allah, puis l'autre qui affirme les attributs d'Allah. Il ne peut pas être vrai en même temps. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Et donc, ceux qui insultent, par exemple, les sahaba, et qui disent que les Abu Bakr, Omar et Osman sont des kuffars, et les autres qui disent que ce sont les sahaba, il faut les respecter. Est-ce qu'on peut unir les deux? Ceux qui disent que ceux-là sont des koufars, comme les chiens à Rafida par exemple, et les réunir avec Ahlus Sunnah, puis dire on va tous se réunir, et qui insultent Aïcha, radiallahu anha, hein, et des choses de ce genre. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas réunir les gens puis faire semblant qu'on est tous pareils, puis on est tous unis, puis que le but c'est d'être ensemble. Non, il faut diviser et distinguer entre les gens qui sont pour la vérité et les gens qui sont pour le mensonge. Ok? Et on doit être avec les gens qui sont pour la vérité, même s'ils sont peu nombreux, hein, et on doit s'écarter des gens du mensonge, et on n'est pas avec les gens du mensonge et de la fausseté, même s'ils sont nombreux. Et ça c'est la bonne position qu'on doit adopter. Et l'imam Ahmad il était seul et il a pris sa position contre une nation, contre des gens, et Allah lui a donné la victoire, et donc c'est pour ça que la personne qui est ferme sur la vérité, il est patient et endurant, et ça fait partie, hein, de ses hasanats, inshallah. Tant qu'il est sur la vérité, ça ne lui dérange pas tout ce qu'il peut subir d'épreuves et de difficultés dans la voie qu'il suit. Donc ça, on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera samedi prochain, bi'iznillah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. et puis on fait le Kumbaraka, et mercredi, c'est après le Maghreb aussi, Inch'Allah.